Oui, donc moi j'ai plus trop l'habitude de parler sans diaporama parce que bon, c'est devenu vraiment un support de parole et d'illustration extrêmement important. Et donc j'ai plus trop l'habitude de lire des notes, donc excusez-moi, et en plus évidemment j'ai suivi le colloque petit à petit. Je sais bien qu'on avait des résumés, ça m'a aussi beaucoup aidé, donc ça c'est une bonne idée d'organisation. Mais je peux pas non plus trop faire sans quand même quelques notes sous les yeux. Donc voilà. Donc heureusement j'ai cette très belle affiche de Mucha pour m'inspirer, on va dire. Alors évidemment moi qui suis historien de l'alimentation, je préfère dire de la gastronomie. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, hein, mais je ne peux que me réjouir hein, de l'idée du comité d'histoire régionale de la région Lorraine d'avoir choisi ce thème hein, pour son thème annuel, parce que évidemment, je considère que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant par lequel je vais essayer de l'expliquer ici avec d'ailleurs les communications qui ont eu lieu depuis hier matin. Un sujet à partir duquel se révèlent des choses qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir à partir des autres, disons, thèmes classiques, hein, comme l'histoire de la religion au sens strict, l'histoire de la politique, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, c'est pour ça que je garde l'image de la bière. La communication de Cécile Valence me donne une transition facile, parce que, évidemment, se nourrir, c'est quelque chose, par définition, qui est ambivalent, puisque c'est à la fois, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut vraiment commencer par là, c'est très important. C'est à la fois une nécessité, hein, on a bien vu ça, il faut se désaltérer, donc boire de la bière ou d'autres substances, et à la fois c'est un plaisir. Hein, on a bien vu ça, les affiches de publicité suggèrent, veulent en tout cas suggérer ce plaisir. Et par voie de conséquence, c'est aussi la naissance, le développement autour de ces produits alimentaires d'une culture. L'exemple qui vient d'être fait là sur la bière, il y a toute une culture sur la bière avec l'utilisation du patrimoine religieux, hein, on a bien vu Saint-Arnoult, Saint-Nicolas, etc., etc., jusqu'à la culture politique de la Troisième République, la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est quand même pour ça que vous avez tout à fait raison de rappeler le Vercingétorix, même s'il est sur d'autres supports de produits alimentaires. Bon. Voilà, hein, donc ça c'est des points sur lesquels bon, il faut quand même toujours partir, à partir des, oui, il faut toujours partir de cette base. L'autre idée de base, je le dis à chaque fois parce que comme tout professeur, j'ai tendance à me répéter, mais il est vraiment évident une fois qu'on se spécialise dans ce domaine que l'alimentation c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est pas du tout pour se pousser du col en disant oh là là, je suis en histoire d'alimentation, vous voyez comme c'est difficile et tout. Pas du tout. Hein. Au contraire, il y a quand même des avantages à se spécialiser dans l'histoire de l'alimentation, hein, en particulier dans les repas, qui étaient tout à fait excellents ici à l'abbaye des Prémontrés. Mais pourquoi c'est un domaine complexe? Parce que, en fait, il est nécessaire pour vraiment en faire le tour d'avoir des connaissances dans un nombre de disciplines absolument incroyables. Disciplines de sciences dures, la chimie, etc., les sciences médicales, et puis les sciences humaines et sociales. Or, aujourd'hui, comme le savoir est structuré, le savoir est tellement complexe, il est impossible pour un seul chercheur de pouvoir tout comprendre. Faudrait être un génie, comme au siècle des Lumières, hein, où nos philosophes de l'encyclopédie pouvaient aussi bien écrire un article de physique, de sciences physiques, et puis un article de philosophie. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont capables de faire ça, et même, c'est peut-être pas souhaitable, hein, tellement la connaissance de nos jours est spécialisée. Et puis, autre difficulté, hein, j'arrêterai là pour la complexité, mais ce sera vraiment mon dernier point, mon tout dernier point, vous allez voir sur la conclusion, sur cette complexité du sujet de l'alimentation, c'est qu'il y a à la fois un rapport individuel, hein, chaque individu n'a pas le même rapport à l'alimentation. Je ne parle pas seulement d'ailleurs des allergies personnelles que certains peuvent avoir par rapport à certaines substances alimentaires, mais de manière générale, hein, on n'a pas un rapport individuel, social identique. Il y a le rapport familial, hein, donc c'est une autre échelle. Et puis des rapports sociaux à l'échelle de différents groupes. Ça peut être des groupes très, très restreints, je ne sais pas moi, un club gastronomique, ou alors des groupes sociaux beaucoup plus vastes, je ne sais pas moi, les paysans au Moyen-Âge par exemple. Et encore à l'intérieur des paysans au Moyen-Âge, il y a encore des sous-catégories. Ou alors des échelles sociales beaucoup plus vastes, hein, à l'échelle nationale. On parle parfois d'une alimentation nationale, d'un plat national, etc. Voire alors de culture alimentaire transcontinentale. Quand on voit par exemple les produits laitiers d'une vaste zone entre le Maroc, hein, donc pour sa borne ouest, jusqu'en Corée, vous voyez, donc une vaste zone qui passe par toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et jusqu'en Asie du Sud-Est. Il y a des points communs dans les habitudes alimentaires autour des produits lactés, des points communs qui sont assez évidents. Vous voyez, donc on a des aires géographiques. Voilà, donc c'est vraiment un domaine très complexe. Alors en histoire, parce que moi je suis historien, plutôt donc historien culturel, comme vous l'avez compris. C'est un domaine qui est né, l'histoire de l'alimentation, assez tôt. Hein. On peut voir par exemple un jésuite qui s'appelait Le Grand Dossi, à la fin du XVIIIe siècle, qui écrit une histoire, c'est une commande hein, d'un noble, évidemment, ça marchait comme ça, c'est du mécénat, qui écrit une histoire de la vie privée des Français. Donc c'est déjà une histoire de l'alimentation. Bon, si on remonte quand même vite les siècles, c'est vrai que pour la France est vraiment très très bien placée, était pionnière hein, dans l'histoire de l'alimentation. C'est l'entre-deux-guerres, hein, les années 20, les années 30. C'est parti des ethnologues, qu'on appelait plutôt les folkloristes à la belle époque. Puis bon, à l'époque des années 20 et 30, on prend pour habitude de les appeler des ethnologues. Enfin, les deux termes se confondent, avec un nom très très important. Quelqu'un d'origine flamande, mais français, donc Arnold van Gennep, hein, van Gennep, qui a vraiment été un des tout premiers à établir que l'alimentation, étudier l'alimentation, c'est une vraie science, ce n'était pas quelque chose de secondaire. Donc lui, il a fait ses études à partir du folklore, hein, des habitudes folkloriques. Et puis, un tout petit peu après, un très très grand sociologue, pas vraiment spécialiste d'histoire d'alimentation, mais qui a vraiment touché à tous les domaines. Vraiment, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, un grand résistant hein, pendant les années 39-45, Marcel Mauss, dans son essai sur le don, hein, un livre sur le don, il réfléchit sur le don, parle de l'étude de l'alimentation. Et donc, il dit que l'alimentation, dans un espace donné, dans un temps donné, et je le cite là, donc c'est entre guillemets, hein, constitue un fait social total, c'est-à-dire qu'il a des implications aussi bien culturelles, politiques, économiques, etc., etc. Et donc cette école française, ensuite, a donné naissance à deux chercheurs très prestigieux, l'un qui est peut-être, je pense, l'un des tout grands intellectuels du XXe siècle, qui est Claude Lévi-Strauss, hein, qui est mort centenaire, dont une biographie hein, vient de paraître. Par l'historienne Emmanuelle Loyer, qui vient parfois en Lorraine, hein, qui est venue au château de Lunéville, sur un autre sujet, mais qui vient donc de publier une biographie de Lévi-Strauss, vraiment magnifique. Et Lévi-Strauss, dans ses études hein, des peuples extra-européens, a bien entendu énormément centré sur l'alimentation, dans les coutumes, dans les traditions. Et Lévi-Strauss ayant eu une telle importance dans toute l'étude des peuples, d'abord extra-européens, et puis ensuite par retour des peuples occidentaux, ne pouvait que faire école. Et donc le deuxième nom, celui qui a fait école, qui n'est pas directement influencé par Lévi-Strauss, mais enfin quand même beaucoup, c'est l'historien qui était cité par Laurent Jalabert au tout début de ce colloque, qui est donc Jean-Louis Flandrin, qui à partir des années 1980-90 en France, de manière un petit peu empirique au début, hein, mais il s'est vraiment spécialisé, alors qu'il venait plutôt de l'étude de la sexualité hein, de la France moderne, 17e-18e siècle, s'est spécialisé dans l'histoire de l'alimentation, et là, il a vraiment fondé une école française. Alors aujourd'hui, ça c'est tous les pays, hein, maintenant, ont des écoles historiques d'alimentation, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique du Nord. Et c'est devenu un véritable continent. Et au niveau de l'histoire régionale, je pense, hein, je pense pas me tromper, mais enfin vous pourrez me dire que peut-être l'idée ici de ce colloque en Lorraine a germé parce qu'en 2013, il y a 2 ans à Rennes, au congrès des sociétés savantes, donc de toute la France, on a pris comme sujet l'alimentation. Hein. Mais c'est vraiment parti dans toutes les régions, dans tous les sens. Le fait de faire un colloque uniquement sur la Lorraine, et évidemment, permet de centrer sur un espace géographique de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et permet d'éviter certaines dérives, on va dire, pas volontaires, qui sont obligatoires, hein, qu'il y avait dans le colloque du CTHS à Rennes, hein, puisque là, c'était sur un très très grand espace français, ce qui permet des comparaisons, c'est vrai, hein, mais en même temps, qui provoque une certaine dispersion, hein, c'est le risque. Alors, deux grands, je ne les oppose pas du tout, hein, vous allez voir, au contraire, mais il y a deux grands massifs et deux grands temps, mais qui finissent par se conjuguer dans l'histoire de l'alimentation, qui ont été très très bien, tous les deux, hein, qui ont été très très bien illustrés dans ce colloque, développés dans ce colloque. Il y a, on pourrait dire, d'abord l'histoire de la consommation, hein, c'est par là qu'est parti Jean-Louis Flandrin, il fallait bien commencer par cette base-là, hein. Qu'est-ce qu'on consommait à telle ou telle époque ? Qu'est-ce que consommait telle ou telle classe sociale à telle époque ? Si on avait commencé par l'histoire culturelle et l'histoire des représentations, on aurait dit beaucoup de bêtises, parce qu'on ne savait même pas ce que consommaient les gens. Hein. Donc il fallait absolument ne pas mettre la charrue avant les bœufs, il fallait commencer par là. Et cette histoire, je dis, Flandrin a commencé par là, ça sous-entendrait peut-être que, bon, bah, ça y est, maintenant c'est une histoire qui est passée, qu'on connaît tout. Bah, pas du tout. Hein. Le colloque qu'on a suivi ces deux jours montre au contraire qu'il y a encore énormément de champs et de choses à découvrir, hein, avec par exemple, en amont de l'alimentation, tout ce qui est l'histoire de la production agricole, hein, c'était un peu plutôt le début de notre colloque, où on a bien vu qu'il y a des choses qui sont absolument indispensables à connaître au Moyen-Âge, par exemple, ou au XVIe, XVIIe siècle, des très très bons exemples, où... quand on connaît mieux les productions agricoles lorraines, bah on a quand même un petit peu plus de chance de savoir ce que mangeait la population locale, même si évidemment d'autres produits pouvaient venir de l'extérieur de la Lorraine. Dans cette histoire, on peut dire en amont aussi, hein, il y a toutes les études, alors là c'est absolument magnifique, moi je pense que si je n'avais pas été historien, il y aurait eu des chances pour que je devienne archéologue. Donc tout ce que nous ont dit nos collègues carpologues et puis des collègues historiens, mais qui se basent, hein, la communication ce matin sur le poisson en particulier, qui se basent sur l'archéologie, les découvertes de l'archéologie sont absolument formidables, hein, y compris pour des périodes récentes. Hein, ce qu'a dit Michael Landolt pour le front 14-18, où on a la preuve que certains soldats en fait avaient dû consommer du rat, parce que les études archéologiques le démontrent et le prouvent, avec une technologie maintenant qui est absolument formidable, et même les méthodologies, moi, m'intéressent. C'est vrai que dans ce colloque, ils ne pouvaient vraiment pas trop faire que de la méthodologie, parce que sinon, ça aurait été trop technique. Ils sont allés directement à l'exploitation de leurs données, et on a vraiment là eu des... aussi bien donc, sur le Moyen-Âge pour le poisson, enfin, c'est un petit peu près, que avec la carpologie, hein, ce matin, de l'Antiquité sur le vin, etc., on a vraiment eu la preuve, hein, que la progression des sciences dures, techniques, nous donne ensuite à nous de meilleures connaissances sur l'alimentation des gens, et combien d'autres fouilles qui vont venir à partir de l'année prochaine, 2016, et dans toutes les années qui suivent, avec encore une, j'en suis persuadé, hein, une progression des sciences. Combien de choses on va encore apprendre, hein, sur plus précises sur la nourriture de nos, on va dire, de nos ancêtres, en tout cas des générations qui nous ont précédés. Voilà. Et puis un dernier point, Monsieur Labrude est parti, mais sa communication, hein, sur la pharmacie nous donnait aussi une idée extrêmement importante. C'était que un même aliment pouvait changer de statut à une même époque. C'est-à-dire que l'amande, hein, je prends l'exemple qu'il a donné, enfin il ne l'a pas donné pour cela, mais moi je l'exploite comme cela, l'amande qui était bon, un produit alimentaire, bon, voilà, mais pour les pharmaciens, ça devient autre chose, hein, puisqu'ils ont une connaissance et tout, ils vont utiliser l'amande dans un sens bien particulier, hein, dans un sens bien sûr médical. Donc ça c'est extrêmement intéressant, hein, de voir qu'un même produit peut être polysémique, peut avoir plusieurs utilisations d'abord, mais aussi avoir une acception culturelle, culturelle au sens large, différente. Alors j'en viens à mon deuxième massif, c'est vrai, mais donc je n'oppose pas au premier. Hein, l'histoire de qu'est-ce qu'on consommait dans le passé continue, et elle s'interpénètre avec la deuxième, qui est donc plutôt une histoire culturelle de l'alimentation, culturelle au sens très large, parce que là, encore une fois, il y a un peu pas une polémique, mais c'est normal, hein, la science, tout le monde n'est pas d'accord, et c'est du désaccord et de la confrontation que naissent les progrès. Certains historiens culturels ont une définition extrêmement étroite de l'histoire culturelle, c'est-à-dire pour eux, ça ne serait que l'histoire des représentations. Alors que Didier Francfort le disait ce matin, hein, on est quand même assez nombreux aujourd'hui à penser que l'histoire des représentations ne suffit pas. Il faut aussi passer par l'histoire des pratiques. Et donc ici, les histoires des pratiques de l'alimentation, donc les recettes, le goût, etc. Comment est-ce qu'on s'y prend? Et pas seulement comment est-ce qu'on véhicule des images ou des discours sur l'alimentation. Ce qui est le meilleur moyen d'ailleurs, hein, faire une histoire des représentations sans connaître les pratiques, comme je le disais déjà au début, mais là je me répète encore, il y a un gros risque de dire des bêtises, hein, parce que si on ne connaît pas exactement ce qui se passe sur le terrain, sur la réalité, c'est quand même un tout petit peu gênant. Dans cette histoire culturelle de l'alimentation, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans différentes communications, hein, pardon de ne pas citer tout le monde et de prendre que des petits morceaux à droite à gauche, mais en citant ces grands thèmes, je pense que chacun reconnaîtra aussi ce qu'il a dit. Il y a un thème très important qui est la distinction sociale. L'alimentation sert de marqueur social, c'est-à-dire qu'un aliment va être consommé par certaines classes sociales et pas par d'autres, volontairement pour se distinguer des autres. C'est ce que Massimo Montanari, grand historien italien de l'alimentation, avait démontré dans son livre, un très très beau livre, hein, qui est traduit en français, le titre français est très joli aussi, qui s'appelle « Entre la poire et le fromage », où il montrait bien qu'au XIVe, XVe, XVIe siècle en Italie, les nobles ne voulaient pas trop parler des bonnes choses. Hein. Et il y avait un proverbe qui disait « Ne dis pas ce qui est bon aux vilains, hein, aux paysans, garde surtout les connaissances pour toi, il faut que l'aristocratie continue à se distinguer des autres catégories sociales. » Et là, on a eu plein d'exemples. On a eu l'exemple dans la communication sur les armées du XVIIe siècle, les armées de Louvois, sur la marmelade d'orange, hein, produit exotique, là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui était un marqueur de distinction sociale évident de l'aristocratie par rapport à d'autres classes. On a vu aussi, je sors de ma distinction là, on a vu tout à l'heure avec le vin l'histoire des pénuries, hein, donc une histoire plus économique, hein, donc l'histoire des transports, hein, qui est aussi une histoire culturelle aussi, parce que dans l'histoire des transports, vous avez tout ce qu'il y a autour, hein, non seulement la construction des navires, on peut imaginer, hein, dans le port de la Comédie de Metz, enfin bon, dont on a parlé ce matin, etc., etc. Autre chose très très importante, le fait d'avoir un colloque comme ça sur un temps très long, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et aussi d'avoir eu des communications elles-mêmes, hein, qui portaient parfois sur une période très large. Moi ça me plaît beaucoup parce que c'est plus tellement à la mode ce qu'on appelait la nouvelle histoire. Cette histoire, là aussi l'école française a beaucoup beaucoup servi, hein, même pionnière dans ce domaine, des historiens comme Fernand Braudel, comme Lucien Febvre, hein, comme Marc Bloch, très connu dans l'Est de la France évidemment. Eh bien ce temps long est fondamental pour l'histoire de l'alimentation parce qu'il nous permet évidemment de voir l'évolution. Hein, si vous prenez qu'une année, ça va être beaucoup plus difficile, encore que sur une année il peut se passer beaucoup de choses, hein. Et donc là on a eu des communications, on voyait très très bien, hein, l'évolution sur la vigne, sur la bière, sur plein de denrées alimentaires dont il a été question depuis hier matin. Autre thème extrêmement important en histoire culturelle de l'alimentation, qui était très bien illustré dans ce colloque, c'est un thème qui m'est très cher parce que c'est mon directeur de thèse, hein, aujourd'hui décédé les dernières, Maurice Agulon, qui l'a un petit peu créé, qui s'appelle la sociabilité, Donc toute l'histoire des rapports sociaux au sein de, je sais pas moi, de cercles républicains, ça c'était donc Maurice Aguilon, mais au sein de beaucoup de structures, hein, tout ce qui crée du lien social. Et on a eu l'exemple hier dans la communication, mais il y en a eu d'autres, hein, mais peut-être plus ponctuellement, mais c'était surtout la communication sur les villes thermales qui a bien montré, et donc d'ailleurs qui donnait l'ambiguïté de ce lieu, qui théoriquement est un lieu de cure, théoriquement en tout cas. Peut-être on peut voir que. Mais très très vite, on voit que dans l'intention, dans la promotion, également dans la réalité exactement de ce qui se passe, c'est pour ça qu'il faut aller dans l'histoire des pratiques et pas seulement l'histoire des représentations des villes thermales, eh bien les notions de plaisir, de rapports agréables, sociaux, il y avait plein de musique, il y avait même parfois des bons repas, elle nous l'a bien dit, hein, qui étaient. Qui allait contre les cures, hein, contre les préceptes des médecins curistes. Et là, on voyait bien, hein, sur ce domaine très très précis, dans un lieu un peu spécial, mais enfin, qui touche beaucoup de gens, hein, avant 1914. Et aujourd'hui, vous savez que les villes thermales continuent à avoir un public quand même très nombreux. Bon, je passe rapidement, hein, plus rapidement sur le reste, les pratiques autour de la natation sur un front militaire, mais ça j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je passe plus vite, hein, l'effort de guerre, bon, il y aurait plein de thèmes comme ça à reprendre. Et je finirai par deux grandes idées. Ce qui m'a vraiment énormément plu dans ce colloque, c'était que on avait affaire à une histoire régionale qui était ouverte, hein, ouverte. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été une histoire de la Lorraine. Uniquement sur la Lorraine, voyez, hein. L'histoire régionale doit être ouverte parce que, bon, sur l'alimentation, il y a eu tellement d'échanges alimentaires depuis l'Antiquité. Pensez d'ailleurs que tous ces produits qui sont venus d'Amérique, hein, à partir de la découverte de Christophe Colomb, et là, on a eu plein, plein d'exemples. Je prends volontairement des exemples ponctuels, hein. Ce droguiste épicier du XVIIIe siècle, hein, qui fait venir de l'huile d'olive de Gênes, hein, et donc qui crée un courant entre Gênes et la Lorraine. Donc il y a des produits qui viennent de l'extérieur. Et puis la Lorraine exporte, hein, on a vu les bières, etc. La Lorraine exporte également ses propres produits alimentaires un peu dans toutes les régions du monde à partir du moment où il y a une mondialisation des transports, surtout à partir du 19e siècle. Donc là, c'est extrêmement intéressant, même pour les périodes plus anciennes. Hein, il y a eu les communications sur le Moyen Âge, la Renaissance. On voyait les échanges entre la Lorraine, le Luxembourg, les Pays-Bas, les pays rhénans. Ce matin, hein, ça a encore été redit dans les deux communications sur la viande et le poisson. Et j'en reviens donc à mon thème de la complexité. Il y a quelque chose sans doute n'a pas été assez développé, mais j'en suis moi aussi qui ai fait une communication, hein, mais j'aurais pu en parler. C'est vrai que j'ai un petit peu gardé sous le coude exprès pour un peu apporter de l'eau à mon moulin, qui est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, dans ma question, hein, sur la communication, sur les affiches publicitaires de la bière, qui sont cette notion d'étude sur le goût. Quand on regarde aujourd'hui où va l'histoire de l'alimentation, il faut continuer à faire, encore une fois, hein, l'histoire culturelle de l'alimentation, il faut continuer à faire que consommer les gens, ça c'est sûr. Mais quand on regarde à des chantiers nouveaux qui sont en train d'apparaître, surtout chez nos collègues nord-américains. Alors ce n'est pas du tout parce qu'il faudrait suivre les collègues nord-américains, simplement c'est qu'ils ont énormément de moyens financiers et ils sont en train de mettre vraiment beaucoup, beaucoup de chercheurs là-dessus. Ce sont toutes les études autour du goût et donc ne jamais oublier que l'histoire des sens, hein, les sens sont importants dans l'histoire de l'alimentation. Donc actuellement, il y a un nouveau champ qui est en train vraiment de s'étendre. Il y a eu des études pionnières en France, hein, mais là, c'est vraiment en train de devenir un champ de prospection. On appelle ça maintenant aux États-Unis les sensory studies, vous voyez, les études de la sensibilité, les études sensorielles, c'est difficile à traduire mot à mot comme ça en français. Et par exemple, sur la mienne, hein, de communication, effectivement, là, je pourrais développer, mais je ne le ferai pas, rassurez-vous, j'ai bien compris qu'on était à la fin du colloque. Mais oui, sur le chocolat, sur le thé, sur le café, il est évident que c'est Lorrain, et puis ces provinciaux aussi, voire ces étrangers qui viennent à Nancy à l'exposition de l'Est de 1909, découvrent des goûts et des saveurs nouvelles. Le problème, c'est qu'on manque un peu de sources, hein, pour savoir exactement quelle impression ça leur a fait. De cette découverte du goût des autres, hein, qu'on a étudié avec Didier Francfort et beaucoup d'autres chercheurs, donc dans ce colloque qui a été publié aux presses universitaires de Nancy il y a quelques mois. Donc vous voyez, ça c'est un champ qui est extrêmement prometteur. Et je pense que les études d'archéologie, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites, pour ne pas dire la quasi-totalité des études qui ont été faites, qui ont été présentées ici au colloque, auraient pu avoir une déclinaison, une ouverture vers ce genre de problématique. C'était sans doute trop tôt, hein. C'est pas évidemment un reproche, mais c'est sans doute une indication pour les futurs travaux, parce que je pense que même si vous reprenez les conflits et des thèmes comme ça, en Lorraine, hein, j'invite vraiment tous ceux qui veulent creuser un peu cette histoire de l'alimentation, il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous voyez, dans toutes les disciplines, on peut venir de l'histoire, de la sociologie, de la médecine, de la pharmacie, de plein de disciplines différentes, ou pas forcément de disciplines, on n'est pas forcément universitaire quand on fait de l'histoire. On peut avoir des goûts personnels et un tropisme vers l'histoire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes encore à fouiller et à expérimenter. Voilà, merci beaucoup.